Chapitre 6e. Grâce à l'heureux mélange d'une douceur indulgente et d'une sévérité motivée, je réussis à débarrasser Suzanne de ses velléités de domination. Une année assez tourmentée fut suivie d'une autre plus facile, et nous entrâmes enfin dans une période d'apaisement qui fut pour nous le paradis. J'initiai ma fille au mystère de la lecture et de l'écriture. Cette partie de ma tâche fut douce et facile, car elle était désireuse de savoir. Si j'eusse voulu la croire, nous aurions passé tout le jour, elle à questionner, moi à répondre. Mais des principes d'hygiène bien arrêtés continuèrent à nous entraîner régulièrement partout où l'on trouve l'air pur et le soleil, surtout au bois de Boulogne, à l'heure où cette superbe promenade n'appartient pas encore à la poussière et à la cohue. C'était à 2 heures de l'après-midi que nous allions nous ébattre sur le gazon. J'étais enfant avec Suzanne, si bien qu'elle ne désirait pas d'autre société que la mienne. Elle regardait d'un air dédaigneux les enfants qui se promenaient en groupe et me serrait la main en passant auprès d'eux comme pour m'exprimer sa joie d'être à mon côté. « N'as-tu pas envie d'aller jouer avec les petites filles ?» lui demandai-je parfois. Elle secouait négativement la tête et répondait « J'aime mieux rester avec papa. » Un jour, cependant, elle fut vivement tentée. Nous étions assis au soleil, dans une allée. Un pensionnat de petites filles très correctes, je dois le dire. Robe noire, ceinture bleue, petit hoquet de velours orné d'un pompon bleu, s'arrêta en face de nous, et les enfants commencèrent une de ces rondes où les couples défilent à la queue leu-leu sous les bras élevés de leurs compagnes. La chaîne gracieuse se défaisait et se reformait régulièrement. Suzanne, blottie contre moi, regardait de tous ses yeux et de temps en temps murmurait « C'est bien joli ». Une sous-maîtresse, qui nous regardait depuis un instant, dit 2 mots à l'une des grandes, et celle-ci, prenant une des plus petites par la main, s'approcha de notre banc. Elle me fit une révérence. Je dis « me » car la révérence était pour moi, et le sourire qui l'accompagnait revenait à ma fille. « Mademoiselle, dit-elle avec la politesse consommée d'une femme du meilleur monde, voulez-vous nous faire le plaisir de jouer avec nous ?» La ronde continuait, avec le champ mesuré des fillettes. Suzanne jeta un regard de côté sur la chaîne vivante et se tourna vers moi, indécise. « Si cela te fait plaisir, » lui dis-je, tout en ôtant mon chapeau à la jeune pensionnaire si parfaitement élevée. « Je veux bien, » dit Suzanne en hésitant encore. Elle descendit du banc, prit la main de la jeune fille et s'avança vers le groupe. Le chant et la danse s'arrêtèrent à sa venue, et tous les yeux curieux d'une trentaine d'enfants se fixèrent sur elle. Ma petite sauvage rougit, perdit contenance, retira vivement sa main, courut à moi, me prit le bras et me dit « Allons-nous-en », le tout en moins de 30 secondes. Je saluai en souriant le pensionnat scandalisé. Je fis un signe à Pierre qui nous attendait au bout de l'avenue et nous montâmes en voiture. « Pourquoi ?» dis-je à Suzanne, toujours muette à mon côté et plus grave que de coutume. « Pourquoi n'as-tu pas voulu jouer avec les petites filles ?» Elle réfléchit, mais ne put trouver la solution d'un problème véritablement au-dessus de son âge. « J'aime mieux rester avec papa, » dit-elle. Il n'y eut pas moyen de la faire sortir de là. Le soir même, je racontai cette petite scène à ma belle-mère. Celle-ci, en apparence, ne m'avait jamais gardé rancune ni de ma résistance à ses désirs, ni de l'impertinence par laquelle elle avait clos jadis certaines conversations. Une fois par semaine environ, elle venait voir Suzanne et dînait avec nous. Comme l'enfant avait gardé l'habitude de s'endormir aussitôt après le repas, nous restions d'ordinaire en tête à tête, et j'avoue que parfois la soirée me semblait longue. Aussi, je mettais en réserve pour ce jour tout ce que je pouvais récolter d'aventures, d'anecdotes et de traits d'esprit. Mais ce soir-là, je me trouvais à court. « Cette sauvagerie, » me dit sérieusement Madame Gauthier, qui m'avait écouté sans sourciller, « est un grand défaut chez un enfant, et surtout chez une fille. Il faudrait absolument en corriger, Suzanne. » Je ne trouvais pas cette sauvagerie aussi malséante que voulait bien le dire Madame Gauthier, et je hasardais avec douceur. « Sa mère était un peu sauvage aussi, et cependant. Ma fille était un ange. » Mais cette malheureuse timidité lui a fait beaucoup de tort, reprit dogmatiquement Madame Gauthier. Le silence est l'arme des faibles, et je n'étais jamais le plus fort avec ma belle-mère. aussi je me gardais bien de rien dire. Puisque vous avez amené vous-même ce sujet de conversation, mon gendre, poursuivit Madame Gauthier, je vous dirai qu'à mon avis, il est grand temps de mettre Suzanne en pension. En pension ? M'écriai-je en bondissant sur ma chaise. Eh oui, en pension. On n'en meurt pas. Sa mère a été élevée en pension. Qu'avez-vous à me regarder de la sorte ? Vous étiez-vous imaginé de faire à vous seul l'éducation de ma petite fille ? À tant d'interrogations diverses, je reconnus que Madame Gauthier avait préparé ses batteries de longue main. C'était d'ailleurs son système, et un autre se fût tenu sur ses gardes, mais je ne sais comment il se faisait toujours que je me laissais prendre au dépourvu. Mon silence lui parut de la confusion et elle continua, triomphante. J'ai parlé à une maîtresse de pension excellente, qui dirige à Passy une maison de premier ordre. C'est tout à fait le Sacré-Cœur en plus petit. Ce sont probablement ces élèves que vous avez vus aujourd'hui et auxquels Suzanne a fait cette impolitesse. Dans 6 mois, vous verrez comme elle sera changée. Je serais bien fâché de l'avoir changée, m'écriai-je hors de moi. Voir Suzanne pareille à ces petites femmes parfaites, j'en serais au désespoir. Et puis grand merci pour votre succursale du Sacré-Cœur. C'était un coup monté alors, cette rencontre. « Voyons, » dit Madame Gauthier, qui perdit beaucoup de sa hauteur, « vous n'avez pas besoin d'employer les grands mots pour une chose aussi simple. Et puis qu'est-ce que vous avez contre le Sacré-Cœur ? Ce que j'ai ?» Je me radoucis soudain, en pensant que j'avais trop à dire pour les pencher en 1 heure, et que par conséquent mieux valait le garder pour moi. « Je n'ai rien du tout, ma chère mère, » repris-je avec aménité, « et surtout je n'ai pas l'intention de mettre Suzanne en pension. » Mais moi, mon gendre, mon intention à moi n'est pas que ma petite fille, et moi, ma chère mère, mon intention à moi est d'élever seule ma fille. J'appuyai si bien sur ces 2 mots qu'elle se leva pour battre en retraite. Fort bien, mon gendre, fort bien. Voilà la seconde fois que vous me rappelez que vous êtes le maître chez vous. C'est fort bien. J'avais bonne envie de lui faire observer que ce n'était pas ma faute, mais je me contins. Elle s'en alla, très digne, mais furieuse, et son enragé besoin de domination lui dicta, dans le silence des nuits sans doute, un plan machiavélique dont l'exécution ne se fit pas attendre.